Écoutez, moi je veux pas rentrer une nouvelle fois dans la polémique, je dis juste que si les appâts attirent des requins, il faut que la pêche traditionnelle, la pêche de plaisance, la pêche sportive et la pêche professionnelle arrêtent également de travailler et qu'on ferme la mer à tous les Réunionnais. Certaines associations, c'est uniquement ce qu'elles proposent depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire d'empêcher de trouver des solutions pour réduire le risque à la Réunion, et moi je ne partage pas cette position-là. D'accord. Est-ce que selon vous, il pourrait s'agir, on le saura suite à l'examen approfondi qui sera fait sur l'animal, est-ce qu'il pourrait s'agir du requin responsable de l'attaque selon vous ? Écoutez, il ne m'appartient pas de le dire, je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, comme vous le dites très bien, la dissection devrait éclairer sur la possibilité ou pas que ce soit l'animal suspecté. Laissons les vétérinaires travailler, la dissection va se tenir dans les prochaines minutes, les prochaines heures. On aura peut-être plus d'informations. En tout cas, on peut imaginer que ce requin, s'il a pu entrer dans la zone de baignade, le requin responsable de l'attaque a pu en ressortir également. Tout à fait. En tout cas, le requin qui a pu entrer a pu en ressortir également. Donc ça peut très bien être l'animal suspecté qui aurait pu rester aux alentours de la zone. Merci pour ces précisions, Ludovic Courtois. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du comité régional des pêches en charge de la mise en place du plan post-attaque. Je vous le disais en titre, une nouvelle session de la Cour d'assises de la Réunion s'est ouverte hier avec le procès d'un homme d'une trentaine d'années. Il est accusé de viol sur sa femme, sa nièce, également d'agression sexuelle sur sa fille. S'il reconnaît les faits commis sur son épouse, il nie les autres accusations. La peine encourue pour ces faits est de 20 ans de réclusion criminelle et le verdict est attendu d'ici ce soir. On prend tout de suite la direction de la Cour d'assises de Saint-Denis où Nadine Bachelot suit ce procès pour Réunion Première. Et Nadine, les réquisitions de l'avocat général sont tombées ce matin. Il requiert 15 ans de réclusion criminelle ainsi que le retrait de l'autorité parentale à l'encontre de l'accusé. Oui, vous l'avez dit, Antoine. L'avocat général est convaincu de la culpabilité de l'accusé. Pour Laurent Zukovic, les victimes n'ont jamais varié dans leur déclaration, alors que lui n'a pas arrêté de changer de version. Le représentant du ministère public demande donc au juré de le condamner pour l'ensemble des faits. Avant lui, les différents avocats de la partie civile se sont succédés à la barre pour plaider. D'abord, Maître Farid Issé, qui représente la fillette. Il explique que l'on ne peut pas mettre en doute la parole d'un enfant qui a fait des aveux de manière spontanée. Ensuite vient Maître Nathalie Potin, l'avocate de la nièce. Elle estime qu'il est important de reconnaître qui est victime dans ce dossier et sa thèse du complot ne tient pas du tout selon elle. Quant à Maître Norman Oumarji, l'avocat de l'épouse, il reconnaît que plaider le viol, c'est ce qu'il y a de plus difficile aux assises. Mais il précise que le doute n'est pas permis dans ce dossier. Il souhaite que l'on rétablisse la dignité qu'on a enlevée à sa cliente. Lorsqu'enfin le bâtonnier Jean-Marie Loireau prend la parole pour la défense, il fustige l'avocat général. Il n'y a pas de coupable pour le moment, il y a un accusé. Vous l'avez déjà jugé. Il n'accepte pas le réquisitoire du parquet. Chaque infraction doit être jugée, chaque infraction doit être sanctionnée, dit-il. Et il ajoute, il n'y a pas de prix de gros. Dans sa plaidoirie, il fait référence à l'affaire Outreau et demande l'acquittement de son client pour les faits concernant la nièce, la relaxe pour le délit sur la fillette et une peine pas trop sévère pour le viol sur son épouse. Nadine Bachelot en direct de la Cour d'assises. L'autre décision judiciaire attendue aujourd'hui. Dans moins de 2 heures, le tribunal correctionnel de Saint-Denis doit rendre son jugement dans une affaire de fraude électorale visant Maurice Gironcel. Lors du procès le mois dernier, le parquet avait requis 6 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Sainte-Suzanne. L'élu est accusé d'avoir tenté d'influencer le vote d'une proche de son adversaire, Daniel Alamelou, à la veille des élections municipales, du second tour des élections municipales de mars 2014. Maurice Gironcel dénonce un coup monté. Ça y ressemble, concède l'accusation, qui estime toutefois que l'affaire a permis de mettre au jour des pratiques pas très claires. Rappel des faits avec Erwan Ponet. C'est à l'intérieur d'une voiture stationnée sur un parking public de sa ville que Maurice Gironcel rencontre Lolita Sautron. La mère de famille lui a fait savoir qu'elle avait besoin d'aide en urgence. Elle raconte alors sa détresse financière à l'élu qui lui conseille d'abord de s'adresser au CCAS. Puis pris par les sentiments, dit-il, il sort 100 euros de sa poche et 40 euros de bon d'essence. Cet échange avec le maire, Lolita Sautron l'enregistre avec son téléphone portable. Et quelques jours plus tard, l'enregistrement atterrit mis sur le bureau des gendarmes. Maître Rémi Boniface, l'avocat de Maurice Gironcel, dénonce un piège tendu à son client. En charge de l'accusation, le procureur Éric Tuféry reconnaît que cette affaire cache une vengeance politique. Mais c'est comme ça que ça marche, les lanceurs d'alerte, commente le magistrat, convaincu de la culpabilité de Maurice Gironcel. Lors de sa rencontre avec Lolita Sautron, le maire de Sainte-Suzanne, alors candidat à sa réélection, n'a donné aucune consigne de vote à la mère de famille. Qu'importe, selon le parquet, l'argent sorti de la poche du maire pouvait suffire à influencer son choix. Et même en cas de relax, Maurice Gironcel n'en aurait pas forcément fini avec la justice. Le maire de Sainte-Suzanne est cité dans une autre affaire de fraude électorale présumée, un dossier qui concerne cette fois le scrutin des élections européennes à Sainte-Suzanne. Midi 8 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. J-2 pour l'éclipse du soleil qui sera visible à La Réunion jeudi après-midi. Cette éclipse, beaucoup d'enseignants veulent l'utiliser dans les travaux pratiques avec leurs élèves, à condition qu'ils ne fassent pas grève d'une part, car certains profs disent manquer d'informations sur les risque de l'observation du phénomène pour la santé des enfants, et d'autre part à condition que les écoles ne soient pas fermées par leur ville. Ce sera notamment le cas à Sainte-Marie, on l'a appris hier, comme à la Plaine des Palmistes, Petite-Île ou encore au Tampon. Le Tampon, première commune à avoir annoncé la fermeture de ses écoles le jour de l'éclipse. Son maire André Tienakoun est revenu sur le sujet aujourd'hui. Tac était l'invité de la matinale sur Réunion Première et Philippe Dornier lui a demandé s'il comprenait la déception de certains parents. On écoute sa réponse. Pas du tout. Vous voulez dire que les parents ne sont pas capables d'expliquer aux enfants ce que c'est que l'éclipse solaire alors que... Bah, ils n'ont peut-être pas tous les connaissances objectivement que celles des enseignants. On n'a pas besoin d'une assistance de l'école qui ne peut pas encadrer tous ces enfants. Les responsabilités seront partagées entre l'État et les enseignants, c'est-à-dire les enseignants et puis ensuite la commune. Les maires sont assez responsables et le personnel communal aussi ont leurs responsabilités à assumer. Les enfants ont déjà... Donc, le temps de se former, ils ont déjà eu le cours avant l'éclipse. Et puis ensuite, on sera hors temps scolaire et tout se passera de façon exemplaire et formidable. André Tienakoun, le maire du Tampon, c'était ce matin sur Réunion Première. Un entretien qu'on vous propose à nouveau à partir de 13h30 dans son intégralité sur Réunion Première Radio. Zoom maintenant sur un métier qui a de l'avenir, celui d'opticien lunetier. Depuis un accord cadre signé en 2012, la profession a déjà formé plus de 120 personnes à La Réunion, alors que l'accord n'en prévoyait que 100 d'ici à 2017. Hier, 28 contrats ont été signés en présence des partenaires du dispositif, la région, l'État, Pôle emploi. Et dans le même temps, 13 lauréats ont reçu leur diplôme. Le métier d'opticien lunetier allie commerce et technique, une formation en alternance à La Réunion, qu'a suivi Samuel, un futur opticien lunetier au parcours atypique. Son portrait est signé Jean-Paul Mélade. Le jeune diplômé apprenti opticien à Saint-Pierre a eu un parcours atypique. J'ai eu un bac S, je voulais faire game designer, j'ai fait des concours, après je me suis rabattu sur une licence d'anglais. J'ai continué à faire des études tiers, des petites études, 6 mois de recherche ensuite pour entreprise, formation ou métier. Samuel Ramay a eu aussi un peu de chance. J'ai déjà été sensibilisé par ma famille qui est déjà dans l'optique et je savais qu'il y avait de l'avenir dans ce métier-là. Autre avantage, rester dans le département. En France, c'est beaucoup plus difficile d'accès et c'est pas en alternance aussi. Hein. Donc à La Réunion, on a cette chance que ce soit en alternance, de pouvoir alterner cours et entreprise et d'avoir une petite rémunération, ce qui nous permet de nous aider à vivre. Samuel touche 60% du SMIC. C'est des petites rémunérations qui me permettent, moi, de payer mon appartement, mon loyer et pouvoir faire mes courses et aider mes parents. La motivation est son maître mot. Il attaque la licence donc cette année et pourquoi pas le master plus tard quand il existera. Il s'agit peut-être d'une solution pour éviter l'isolement des personnes âgées et dans le même temps régler le problème du logement pour certains étudiants. L'association Reste pas seul propose une cohabitation solidaire entre un Gramoun et un étudiant. Le premier contrat a été signé à Saint-Denis entre Suzy Polder, une Gramoun de 85 ans, et Olivier Lecomte, un étudiant de 30 ans, originaire de la métropole et installé au Tampon. Il intègre cette année l'école d'infirmiers à Saint-Denis et après avoir été mis en contact par l'association, Suzy et Olivier ont fait un essai en cohabitant pendant une semaine. Essai concluant pour Suzy Polder, elle le dit à Johanna Damadorassi. En général, les étudiants, ils aiment faire leur cuisine tout seul là-bas. Je dis, écoute, voilà, il y a ton petit frigidaire, il y a ton petit truc là-bas, et puis je dis, voilà, c'est à toi là-bas, et moi ici. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Une personne fait une cuisine, l'autre fait la cuisine, et à quoi ça ressemble ? autant ben, faire la cuisine. Moi, j'ai fait les gros caries, le civet, les caries. Et lui, ses petites mignardises et tout, ben, ça se compense. C'est plus facile de manger ensemble et de se parler. Et puis, ben, autant il aime mon carré, ben, moi aussi, j'adore son carré. Hein. Il est formidable. Hein. Il est formidable, c'est un cordon bleu, hein. Attention. Hein. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on fait un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. La France réclame l'arrêt des négociations sur le TAFTA, ce projet d'accord commercial XXL entre l'Union européenne et les États-Unis. Les négociations piétinent, Américains et Européens sont à peu près d'accord sur rien. La réunion a commencé il y a près de 3 heures. Négociations en cours entre les producteurs de lait et Lactalis. Les éleveurs réclament une revalorisation des prix. Ils font pression sur l'industriel, toujours avec des manifestations devant une quinzaine d'usines. L'Italie continue d'enterrer ses morts. Funérailles solennelles aujourd'hui de quelques-unes des 290 victimes du tremblement de terre. Dans le pays, les drapeaux sont en berne. C'est le deuxième jour de deuil national depuis la catastrophe. Des manifestations à Brasilia, à Sao Paulo et à Rio. Baroud d'honneur des partisans de Dilma Rousseff. Le procès de la présidente du Brésil touche à sa fin. Sauf énorme surprise, elle sera éjectée du pouvoir aujourd'hui ou demain. Dilma Rousseff qui est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour se faire réélire. Et puis c'est une amende record qui pend au nez d'Apple. L'Union européenne doit dire aujourd'hui quelles sanctions elle inflige aux géants de l'informatique, accusés d'avoir passé un arrangement fiscal avec l'Irlande. France Info. 12h et bientôt 15 minutes sur Réunion Première. Ingrid et Philippe Dorny ont fait leur entrée dans le studio. Bonjour à vous. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et vous fêtez aujourd'hui, Philippe, un anniversaire ce midi, les 30 ans du Centre d'aide médicale à la procréation du Port. Une bouée de secours pour certains couples qui ont du mal à avoir des enfants. Oui, des couples, Antoine, qui sont pas moins de 750 par an à se tourner vers ce centre. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, mais pour les 20% de femmes qui parviennent à avoir un bébé au bout du compte, eh bien c'est évidemment le grand bonheur. Si vous avez des questions sur la stérilité, sur la fécondation in vitro, appelez-nous au 02 62 99 2000. Quel temps à La Réunion cet après-midi? On voit ça tout de suite. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les nuages de pente prennent plus de consistance dans les cirques et sur le relief. Quelques ondées passagères sont même possibles dans les hauts du nord-ouest. Et au fil des heures, ces nuages déborderont vers le port ou Saint-Paul. Dans le sud sauvage et sur le flanc est du volcan, la couverture nuageuse est plus tenace, mais sans précipitation significative. Le vent continue de souffler avec des rafales qui atteignent 70 km/h à Saint-Denis, 80 à Saint-Pierre et sur les sommets, il souffle également, mais un peu moins avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. La mer est agitée à forte et au déferlement d'une houle modérée de sud-sud-ouest. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Il est midi 17 sur Réunion Première, l'aide médicale à la procréation, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Caroline a eu 29 ans en mars dernier, elle est le premier bébé éprouvette réunionnais et depuis 4000 autres sont nés. Tous grâce à la prise en charge de leurs parents par le centre d'aide médicale à la procréation installé au port. Un centre qui fête donc ses 30 ans le week-end prochain. L'AMP, l'aide médicale à la procréation, une chance pour les couples qui rencontrent des problèmes de fertilité. Alors la solution n'est pas la même pour tout le monde, il existe différentes techniques. Mais l'objectif commun, c'est bien d'avoir un enfant, souvent le vœu le plus cher pour ces femmes et ces hommes. Quel est le pourcentage de réussite des traitements proposés? Pourquoi la fécondation in vitro ne marche pas systématiquement? Existe-t-il encore des tabous autour de ce sujet? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Les numéros et les différents moyens de participer à cette émission, je vous les rappelle, par texto le 06 92 70 2000, par téléphone le 02 62 99 2000, et puis les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu, et le hashtag CDLA première pour Twitter. Trois invités avec nous ce midi. Aurélia Hubert-Delisle, la directrice de communication du groupe Clinifutur. Bonjour. Bonjour. Le groupe Clinifutur, donc, dont le centre d'aide médicale à la procréation du port est une entité également. Et vous y avez vous-même, Aurélia Hubert-Delisle, recours pour devenir maman il y a un peu plus de deux ans maintenant. Le docteur Jean-Claude Vic, bonjour. Bonjour. Gynécologue, cofondateur du centre du port. Vous nous raconterez cette aventure. Et puis le biologiste Michel Saint est également avec nous. Bonjour. Bonjour. 30e anniversaire de ce centre du port, donc vendredi et samedi. Aurélia Hubert-Delisle, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir ont plus de chances de devenir parents qu'il y a 30 ans? Oui, bien sûr. En 30 ans, on peut dire qu'il y a eu des techniques qui se sont considérablement améliorées, avec toujours un pôle d'excellence au niveau donc du centre médical à la procréation du port. Donc le groupe de santé clinique Futur intervient par rapport à la maternité de la clinique Jeanne d'Arc qui est adossée à ce centre, et également le laboratoire Cerballiance qui font avec les gynécologues agréés et les labologistes agréés le centre du port pour les fécondations in vitro et les problématiques de couple. Vous l'avez rappelé, c'est 750 couples qui sont pris en charge chaque année par ce centre. Je vais laisser mes collègues en parler bien mieux que moi. Et c'est aujourd'hui une très belle aventure d'être là, bien évidemment en tant que directrice de communication, mais surtout en tant que patiente, puisque j'ai également eu ce parcours. Et c'est 30 ans de qu'on voulait marquer, 30 ans d'histoire, 30 ans aujourd'hui où les couples peuvent venir avec beaucoup plus de chances d'avoir un enfant, un vrai parcours, on en parlera tout à l'heure, mais avec un objectif qui est celui d'avoir des enfants. Et quel plus bel objectif, on pourrait dire, que de participer à cela. Docteur Vic, quel souvenir vous gardez du lancement de ce centre d'aide médicale à la procréation? Eh bien, on pourrait dire qu'au début, ça paraissait être une joyeuse aventure. En fait, alors, on a fait quoi? On a fait de grosses bibliographies, les uns et les autres, puis on est allé se former dans des centres performants en métropole et parfois même à l'étranger. Et puis, on a importé tout cela chez nous. On n'avait pas une grosse différence avec la France métropolitaine, de l'ordre de 3-4 ans, si mon souvenir est bon. Et on a eu la chance aussi d'avoir, dans nos 2-3 premières tentatives, la bonne réponse positive qui a abouti à la première naissance que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, au départ, c'est une joyeuse aventure scientifique, plein d'espoir, plein de bonheur de travailler, plein de mise au point, et puis ça s'est mis à marcher vite, voire très vite, à telle enseigne que lorsqu'il y a été question d'agrément quelques années après, c'est l'équipe du port qui l'a eu, parce que on était sérieux et performant assez vite, pour ne pas dire d'emblée. Est-ce qu'il y a d'autres centres concurrents, j'allais dire, ou complémentaires, on peut voir ça différemment, à La Réunion? Oui, dans le public à Saint-Pierre, vous avez un centre d'AMP qui effectivement bénéficie d'une autorisation depuis quelques années déjà. D'accord. Qui n'a pas le recul de 30 ans, des vieilles choses que nous sommes, mais expérimentées tout de même. Alors Michel Saint, ce nouvel outil, il représentait quoi pour les couples stériles lorsqu'il a été lancé? Mais ça représentait une formidable possibilité d'avoir ce bébé que tout le monde espère, que tout le monde attend. Ça représente aussi le travail de toute une équipe, parce qu'il faut commencer par là. Je pense que l'aide médicale à la procréation, aujourd'hui, c'est toute une équipe. Vous avez parlé de la clinique qui met ses locaux à disposition. On parle aussi, bien sûr, des gynécos. On parle de tout ce qui nous aide, des infirmières qui font les prélèvements et qui aident les patientes. Tout un travail qui permet, avec le laboratoire, bien sûr, en milieu et en point d'orgue, de faire avancer ce magnifique projet. Voilà. Et ce projet, vous l'accompagnez de quelle façon, vous, en tant que biologiste ? Ben nous, si vous voulez, on est juste, en relation avec les gamètes. Alors les gamètes, c'est un terme un peu technique qui va dire, on va parler des ovocytes des dames, des spermatozoïdes des messieurs, et on permet de faire un peu la magie. Alors on n'est pas des magiciens, on n'est pas des dieux, on essaie de faire en sorte de faire que ça marche du mieux possible, et puis on arrive à obtenir ce fameux embryon qui ensuite, en se développant, va permettre le début de la vie et puis l'avenir que nous connaissons tous et que nous souhaitons à tout le monde. Oui, docteur Vic. Il est trop modeste parce qu'en fait, les biologistes, comme les cliniciens, comme les médecins, voient les couples, discutent avec eux, leur expliquent en live, si j'ose dire, la technique, les techniques, comment ça va se passer. Donc, ils ne sont pas en relation qu'avec des gamètes, ils sont en relation avec des couples. Et ça, c'est au moins très, très, très important pour moi. Alors, il y a... Oui. Le côté humain est fondamental dans cette aventure, de toute façon. Et il faut que les gens comprennent que c'est une aventure qu'on vit ensemble, nous avec eux avec nous. Et ça va matcher quand effectivement l'alchimie se fait. Mais c'est tellement difficile au niveau psychologique. Bon, au niveau physique, bien sûr, c'est un peu compliqué, mais la psychologie, c'est tellement difficile. Quand un couple vient vous voir en détresse comme ça, il faut les amener à avoir une solution qui parfois n'est pas toujours couronnée de succès, mais bon, dans lequel on peut quand même s'investir et essayer d'avoir le maximum de chances de réussite. Alors, on y reviendra tout à l'heure, évidemment, sur le parcours, mais ce qui est important, je pense, quand on fait une démarche comme ça, c'est de connaître les chances que ça aboutisse. Il y a un palmarès national des établissements qui pratiquent la FIV, la fécondation in vitro. Votre centre se classe 32e et il est noté 17,2 sur 20. Ces résultats, vous en êtes satisfaite, Aurélia Hubert de Lille ? Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier de parler de résultats et quand on parle de couples qui ont des problèmes à avoir des enfants, je pense qu'effectivement, comme le rappelaient mes collègues, c'est un vrai parcours humain avant tout. On le fait surtout parce qu'on a envie d'aider des gens à donner naissance à des enfants. Je pense que voilà, comme il le rappelait, il y a une vraie équipe pluridisciplinaire qui est autour de ce projet, avec des couples qui arrivent des fois avec des questionnements, ils sont là pour apporter des solutions. Effectivement, donc c'est un classement qui nous permet nous de nous dire que on fait surtout du bon travail, qu'on a surtout envie de continuer à en faire, surtout de continuer aussi à se donner les moyens de continuer à le faire, c'est-à-dire toujours être à la pointe des dernières technologies, être à la pointe des dernières innovations, pouvoir réussir le challenge de continuer malgré le fait qu'on est une île à 10 000 km de sa métropole, de quand même réussir à adapter sur le territoire local, parce qu'on a aussi une population qui est la nôtre et qui est donc particulière en tant que réunionnaise. Et voilà, d'adapter malgré cette distance, les techniques et voilà, toujours réussir à être en avance, toujours être présent et surtout ne pas rater le coche. C'est ce que ils ont réussi à faire pendant 30 ans. Bien évidemment, on les soutient, le groupe de santé Clinique Future, et je parle pour notre président directeur général, monsieur De Leufly, donc qui est docteur aussi avant tout, voilà, qui appuiera toujours les demandes s'il faut effectivement investir et continuer dans une meilleure efficience de résultats, surtout pour ces couples. Alors c'est un classement établi par le magazine L'Express à partir de deux critères, le taux de réussite, la proportion de femmes qui accouchent d'un bébé à chaque tentative, et puis l'âge des femmes. Est-ce que ces critères sont fiables, Jean-Claude Vic ? Je rappelle que vous êtes gynécologue. Oui, on peut leur faire confiance. A priori, les critères sont extraits des registres de l'Agence de biomédecine, c'est-à-dire de la publication des résultats de tous les centres, puisque je vous rappellerai que c'est une obligation actuelle et depuis déjà quelques lustres. Je m'excuse, je suis souvent fâché avec les dates, même si nous sommes au trentenaire de notre chouette centre. Et donc oui, s'il s'agit d'avoir des logiciels agréés Agence de biomédecine, de transmettre nos résultats presque en live, si j'ose dire. Et donc c'est extrait de cela, c'est donc des chiffres en effet qui sont relativement fiables. Voilà. Alors, à l'erreur humaine près, bien sûr, à chaque fois qu'on rentre un résultat. Alors, certains disent que les centres peuvent être tentés de sélectionner l'âge des patientes pour avoir des meilleurs résultats. Désolé de parler de résultats, mais c'est vrai que les gens se fient aussi à ce classement parfois. Est-ce que c'est le cas du centre du port ? Ce n'est pas du tout notre politique. De ce côté-là, j'ai fait une petite revue avec Michel Saint aussi. On a pointé qu'il y a environ 20% de couples entre 40 et 43 ans et plus. 20% de patientes. Donc, puisque c'est essentiellement lié à l'âge de la future procréatrice éventuelle. Donc, ça, c'est loin d'être faible. Et à la limite, ça peut influencer la qualité du résultat. Et donc, j'en appelle au peuple à venir plus tôt quand on a un problème d'infertilité. Alors, un premier SMS au 06 92 70 2000. C'est Guillaume de Saint-Paul qui nous dit bonjour. Pour suivre les traitements, j'aimerais savoir s'il faut rester plusieurs jours à l'hôpital. D'ailleurs, est-ce que ça se passe à l'hôpital ou dans un milieu moins médicalisé ? Merci pour votre réponse. Alors, comment ça se passe finalement ? Il y a plusieurs techniques, évidemment. Qui peut nous en parler ? Le docteur Vic peut en parler, bon, mais je ferai la suite moi, mais tu voilà. Peux commencer. Alors, parlons, bon, on a beaucoup fait de progrès, disons, déjà depuis la petite Louise Brown, qui était la première mondiale et qui était en Angleterre, comme vous le savez. Ça remonte à quand, ça ? C'était en 1980, oui. C'était aux alentours 79-80, je crois, Louise Brown, quelque chose comme ça. Mais bon, là encore, je suis souvent fâché avec les dates. Mais bien. Donc les choses ont changé, c'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, après un transfert d'embryon, les femmes étaient couchées plusieurs jours, quoi. À l'heure actuelle, si elles sont allongées au calme 10 minutes, 15 minutes, maximum 20 minutes après le transfert d'embryon, c'est parfait, ça suffit, et ça nous laisse dans notre taux de succès qui est le même, ça ne change rigoureusement rien au résultat. Pour en revenir à la technique elle-même, aux techniques au pluriel elles-mêmes, on essaye autant que faire se peut de tout faire en ambulatoire. En ambulatoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, une patiente pour une ponction fécondation in vitro rentre le matin et sort le début de l'après-midi à la clinique Jeanne d'Arc, tout simplement. D'accord, en l'espace d'une journée, En une demi-journée, elle a eu sa ponction ovocytaire, son conjoint parallèlement a donné sa semence au laboratoire. La technique sur la fabrication d'embryons que Michel Saint reprendra dans un petit instant et a été initiée et la patiente sort avec ses instructions pour le futur transfert d'embryon s'il a lieu, c'est-à-dire dans 80 à 90% des cas, c'est le cas. Mais avant cette demi-journée, j'imagine qu'il y a eu des rendez-vous préparatoires qui prennent du temps aussi. Tout à fait. Le processus s'étale sur combien de temps ? Ça peut s'étaler sur quand même plusieurs mois, parce qu'il faut d'abord réunir un dossier, le dossier d'un couple, c'est pas toujours une évidence. Ensuite, bien confirmer qu'il y a une indication de fécondation in vitro qui peut être d'origine multiple. Ça peut être des trompes bouchées chez la femme. Ça peut être un sperme insuffisant. Et de ce côté-là, les techniques biologiques rattrapent beaucoup de choses, en ICSI notamment. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée. Et il y a au moins 20 à 30% des dossiers qui sont concernés par ce genre de problème. Ça veut dire en clair que tout a été vu, tout a été fait. Et pourtant, alors que tout semble bien marcher, il n'y a pas eu de, entre guillemets, collage, pas de grossesse. Et puis sinon, dans notre cas particulier réunionnais, mais peut-être est-ce un effet de recrutement, on a beaucoup plus, semble-t-il, d'endométriose et d'ovaires polykystiques. Alors, pourquoi ? J'aimerais le savoir moi aussi. Donc je pense que de ce côté-là, il y a de grandes études collaboratives qui sont à lancer, en particulier avec l'université, mais ce sont des questions qui nous hantent depuis très très longtemps. Les parents qui viennent vous voir, généralement, Michel Saint, quel problème ils rencontrent ? Ben, ils rencontrent le problème d'un désir d'enfant qui n'est pas satisfait. Et sur mais il y a plusieurs raisons qui peuvent aboutir à ce résultat. Les raisons, comme vous a dit Dr Vic, au départ, on fait toujours un screening clinique pour savoir vers où on doit aller et vers où on doit mettre l'accent. Docteur Vic a parlé d'endométriose, a parlé d'ovaires polykystiques. On peut parler aussi d'insuffisance spermatique, qui est quand même une grosse partie du recrutement. Donc à partir du moment où on arrive à cataloguer quelque chose, étiqueter une infertilité, on va pouvoir avancer là-dessus et proposer des techniques qui sont à même de régler ce problème. Après, on ne connaît pas tout, on n'est pas des sorciers, comme je disais tout à l'heure. On travaille avec notre expertise et avec nos techniques d'aujourd'hui, qui ont bien avancé par rapport à celles de 30 ans, mais qui manifestement, ils ne sont quand même pas très très loin. Et puis on essaie d'amener ces gens-là vers la technique qui est la plus adaptée pour leur projet. Aurélia Hubert de Lille, vous souhaitiez compléter. Oui, je pense qu'il est important aussi de rappeler que quand les patients viennent dans le centre, il y a aussi plusieurs techniques de possibles, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de FIV. Il faut aussi rappeler qu'il y a aussi d'autres possibilités avant la FIV. Plus simple. La FIV, c'est la fécondation in vitro. La fécondation in vitro. Tout va dépendre effectivement. Quand les futurs parents viennent de leur histoire, de leur problème d'infertilité, il y a effectivement une vraie rencontre avec des professionnels, donc notamment les biologistes, des psychologues, des infirmières, et on va discuter pour voir ce qui se passe. Bon, après, ensuite, on a effectivement des résultats dans un deuxième temps, puisque souvent on est testé pour voir si c'est le conjoint ou la femme qui ont une infertilité, et en fonction de ça. Donc les médecins vont décider avec les biologistes de ce qui va se passer. Donc il va y avoir déjà la stimulation ovarienne qui va être une première étape des traitements contre l'infertilité qui va être recommandée en cas de troubles de l'ovulation notamment. Ensuite, il va y avoir une technique qui s'appelle l'insémination artificielle. Donc là où c'est le spermatozoïde en fait du conjoint qui va directement être déposé dans l'utérus de la patiente quand les problèmes sont légers d'ordre spermatozoïde ou incompatibilité avec les spermatozoïdes. Et seulement la troisième étape, donc qui est la fécondation in vitro, où là les embryons qui sont obtenus vont être mis en contact directement donc entre l'ovule et les spermatozoïdes au niveau du laboratoire. Donc il y avait vraiment trois choses distinctes. Donc par rapport à la question de votre auditeur, le parcours va vraiment dépendre de là où vous en êtes et là où les personnes en sont quand ils arrivent au niveau du centre. Et la prise en charge va vraiment être adaptée à chaque personne. Et notamment, aujourd'hui, grâce aux techniques, il n'y a pas de prise en charge à l'hôpital ou à la clinique sur 3, 4, 5 jours. C'est-à-dire, ça va être des techniques qu'on va pouvoir faire à la maison avec des prises de stimulus, ce genre de choses qui vont être adaptées. Je vais laisser le docteur Vic reprendre la parole, puisque c'est plutôt son métier que le mien, pour vous expliquer cela. Docteur Vic. Oui, alors on va être relativement schématique. Un couple vient nous voir pour un problème d'infertilité, il faut insister sur une première chose très importante, l'âge des parents futurs éventuels, en particulier l'âge de la future maman. On va dire qu'en schéma, au plus on viendra jeune, au plus on aura un bon taux de succès. Et ça dépend vraiment de l'âge. Je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a un schéma avec les taux de réussite chez les... Alors, le taux global, et puis un taux chez les 30-32 ans, chez les 38-39 ans et chez les 40-42 ans. C'est vraiment très précis comme fourchette. Oui, après, ça c'est de la statistique. On peut admettre qu'il y a un... Mais ça veut dire qu'il y a une différence de résultats de l'un à l'autre. Très très fort décrochage, on peut même dire à partir de 37 ans, un très très fort décrochage du résultat d'une façon générale. Alors après, pour ce qui est donc venir tôt, c'est le mieux. Donc là justement j'insiste sur un de mes dadas, c'est le délai d'infertilité. Le délai classique dans les questions de médecine, c'est 2 ans de rapport sexuel régulier, sans grossesse, sans conception. Ça va bien pour les livres, en pratique... Ça va bien pour les couples jeunes et très jeunes, mais si vous avez un couple qui vient vous voir avec un âge un petit peu limite, et limite pour moi ça pourrait être 35, ben on va pas parler de 2 ans d'infertilité. Il faut aller plus vite que cela. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des conceptions spontanées en dehors de notre boulot à nous, entre guillemets, mais il faut vraiment essayer de saisir sa chance. Ça c'est très important. Après, je peux rebondir un tout petit peu sur les traitements très très rapidement. Les traitements simples, on pousse un petit peu l'ovulation dans le cadre de l'infertilité inexpliquée ou dans le cadre de l'anomalie de l'ovulation ou dans le cadre du sperme un petit peu limite, juste pour avoir, on va dire, un time ovulatoire et être certain que le bon moment ne sera pas loupé. Après, vous avez la même chose à laquelle vous rajoutez l'insémination et puis après, vous avez le traitement spécifique fécondation in vitro et ICSI qui, lui, est plus fort. La femme va avoir un traitement dont le but n'est pas d'avoir un œuf ou deux, une ovulation unique ou double, mais bel et bien une super stimulation pour avoir une multi-ovulation contrôlée que l'on va ponctionner juste avant que les œufs n'éclosent à la surface de l'ovaire. Je dis les œufs pour ne pas dire les ovocytes, mais c'est les ovocytes. Et ceux-là, on les récupère dans nos petits tubes, on les donne au laboratoire. Le laboratoire, de son côté, a fait travailler le monsieur et le laboratoire va s'en occuper. Là, nous sommes en plein processus fécondation in vitro ou fécondation in vitro avec ICSI, qu'expliquera mon camarade et ami Michel Saint. Et puis ensuite, il y a le transfert embryonnaire. Et là, il est très très important de transférer, on va dire, la bonne équation. C'est-à-dire le plus possible un embryon, un gros maximum de deux. À l'heure actuelle, dans notre centre, c'est jamais qu'on en transfère trois. Et donc, les grossesses multiples ont beaucoup, beaucoup, beaucoup chuté, tandis que les résultats se sont bien maintenus, voire même se sont optimisés. L'aide médicale à la procréation, c'est dans l'actu, ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Sinon, par texto 06 92 70 2000, comme Pascaline qui demande est-ce que le traitement est pris en charge par la Sécurité sociale ? Question importante, évidemment. Bien sûr, Michel, question ça. Importante. Il suffit de faire une entente préalable à la Sécurité sociale et puis à demander monter un dossier médical qui est relativement facile à monter avec le côté avec les médecins. Et à partir du moment où le dossier est complet, il y a zéro souci. Jusqu'à 43 ans pour les dames, il faut le savoir. Au-delà de 43 ans, l'AMP n'est plus prise en charge. Pour les hommes, il n'y a pas de limite d'âge. Notre centre, aujourd'hui, a fixé une limite d'âge à 60 ans. Chaque centre peut y fixer sa propre limite d'âge. Alors, je complète la question de Pascaline. Il y a parfois des questions de dépassement d'honoraires. Est-ce que ça peut être le cas ? Alors, oui. Le dépassement d'honoraires, si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure, l'AMP, c'est, on va dire, deux entités qui se rencontrent, qui travaillent ensemble. Au niveau du laboratoire, nous sommes conventionnés. Il y a zéro dépassement d'honoraires. Après, quand ils vont chez les médecins, effectivement, peut-être Dr Vic peut en parler. Au niveau des gynécologues, oui, nous sommes des gynécologues qui sommes en secteur 2 d'honoraires, qu'on appelle honoraires libres. Et donc, effectivement, il y a des suppléments d'honoraires à prévoir, pris en charge par un certain nombre de mutuelles d'abord, d'une part, et d'autre part, des suppléments d'honoraires relativement modiques par rapport à ce qui peut se pratiquer en France métropolitaine, par exemple. Est-ce qu'il y a des dispositifs extérieurs qui peuvent accompagner aussi ces familles sur le plan financier, Aurélia Huberdeline ? Alors oui, effectivement, on peut parler. Ben, après, c'est à chaque famille de se renseigner. Alors juste oui. Vraiment une remarque personnelle. C'est vrai qu'on est pris en charge du début à la fin, c'est-à-dire qu'on fait pas les dossiers tout seul. Hein. Quand Monsieur Saint disait tout à l'heure qu'effectivement il faut faire une entente préalable, c'est pas à nous de le faire. Hein. C'est fait directement au niveau du laboratoire puis des médecins. Donc c'est un dossier qui est monté puis qui est envoyé effectivement. Et qui est prise en charge. Donc ensuite, il y a effectivement la CMU qui peut également intervenir. Puis ensuite, en fonction aussi de certaines mutuelles, il peut y avoir aussi des aides effectivement financières. Et en ce qui concerne les patients relevant de la CMU et en difficulté financière, d'abord la CMU, il n'y a aucun dépassement d'honoraires, clairement, et il n'y a aucun non plus barrage à la prise en charge des patients en CMU. Et ensuite, les patients qui ont des problèmes de revenus, il y aura une modulation de l'honoraire. Vous savez que la médecine, quand elle prend des honoraires dits supplémentaires et que nous appelons, nous, en réalité complémentaires, mais là, on pourrait dériver sur un terrain syndical, c'est pas le propos du jour. Il faut savoir donc que ces honoraires complémentaires sont appliqués selon le Conseil de l'Ordre avec tact et mesure, et c'est véritablement le cas. Voilà, et juste une petite précision, la prise en charge est faite pour 4 tentatives. 4 tentatives, voilà, c'est ça. Jusqu'à 4 tentatives. Ça veut dire qu'on peut essayer plusieurs fois, même techniquement. C'est pas parce qu'on échoue une première fois qu'on ne peut pas réussir une seconde ou une troisième fois ou une quatrième. Après, c'est la volonté du couple, c'est la motivation qu'ils ont, c'est aussi le côté médical à insuffler pour montrer si on peut avancer ou continuer, parce qu'il y a des fois où effectivement on arrive dans des impasses, où il faut bien aussi l'accepter, on n'est pas, comme je dis, tout est possible, mais effectivement il faut avoir les 4 tentatives qui nous permettent d'avoir au moins un bébé, c'est comme ça que ça marche. Au 06 92 70 2000, on a Nadine qui nous raconte qu'à 42 ans, elle dit « j'ai fait une fausse couche en août l'année dernière, j'ai dû faire une intervention pour l'enlever depuis plus de fécondation ». Alors c'est sans doute difficile de s'exprimer sur un cas particulier dont vous n'avez pas les détails, Jean-Claude Vic, mais vous en tant que gynécologue, qu'est-ce que ça vous inspire? On peut annoncer quelques chiffres. D'abord, d'une façon générale, les carottes ne sont pas cuites de façon définitive. La conception spontanée ou assistée, ça arrive. Et même au-delà de 42 ans, le taux de succès n'est pas phénoménal, il faut le reconnaître. Et le taux de fausse couche, par contre, lui, est très élevé. C'est-à-dire que la fausse couche spontanée précoce, ça représente globalement 10% de l'effectif féminin, donc c'est quand même énorme. 10 femmes sur 100, 10 copines, sur les 10 copines que vous avez, il y en a au moins une qui a eu une fausse couche, minimum. Ça peut être traumatisant pour, évidemment, la personne qui le subit. Complètement. Et est-ce que ça peut refroidir de tenter sa chance, entre guillemets, une deuxième fois? Oui, bien sûr. Totalement. Il faut complètement respecter les femmes, leur couple, les accompagner, les écouter, et puis savoir ce qu'elles veulent faire réellement. Donc pour répondre à cette dame, on peut dire que non, les carottes ne sont pas forcément cuites, mais qu'il faut apprendre à vivre avec un espoir mesuré. J'ai l'habitude de dire que dans un couple, la grossesse, c'est la cerise sur le gâteau. Encore faut-il qu'il y ait un gâteau dessous, c'est-à-dire que le couple soit quand même heureux de vivre et que sa motivation principale soit une vie conjugale, éventuellement un bébé, et non pas une vie conjugale parce qu'il y a un bébé. Voyez, Michel Saint. Moi, je voudrais parler des nouvelles technologies qui sont oui. apparues depuis les 30 ans, parce qu'il faut quand même, on est là aussi pour ça. La dernière technique en date de congélation, qui s'appelle la vitrification, nous a permis de gagner énormément en performance de taux de résultats. Et éviter ces fausses couches, notamment. Éviter les fausses couches, peut-être pas. Puisque les fausses couches, ça fait partie, malheureusement, comme dit Dr Vic, de la physiologie de la femme. Et bon, on ne va pas lutter contre ça. Ça, vous ne pouvez pas l'anticiper. Non, on ne peut pas l'anticiper, en tout cas pas encore. Il faudrait pouvoir transférer des embryons dont on sait qu'ils ne feront pas de fausses couches. Peut-être dans un futur, peut-être dans 30 ans, quand on sera là, on en rediscutera. Pour l'instant, on n'a pas ce dossier. Donc, non, aujourd'hui, nos statistiques sont ce qu'elles sont. Le fait de travailler en congélation, en vitrification embryonnaire, nous a permis de bien améliorer nos taux de succès qui arrivent par transfert à 27% de bébés à la maison, parce que c'est ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est pas les résultats de grossesse, les fausses couches bien sûr qu'il y en a, mais ce qui est important, c'est quand le bébé arrive à la maison dans le berceau. Et donc aujourd'hui, sur les embryons décongelés qu'on transfère, on arrive à avoir 27% de grossesse. Ce sont les statistiques de 2014. Je pense que 2015-2016 va être meilleur parce qu'on maîtrise encore mieux cette technique qui est effectivement relativement récente. Et puis, on a des techniques aussi maintenant où on peut congeler et vitrifier tous les ovocytes dans des cas très particuliers qui nous permettent aussi d'avoir un meilleur résultat. Et on s'aperçoit que, finalement, la tentative de fécondation elle-même est peut-être moins bien rentable, j'allais dire entre guillemets, que d'avoir une congélation embryonnaire pour transférer à distance. Et ça, c'est relativement nouveau dans l'AMP, parce que nos techniques d'avant de congélation n'étaient pas performantes. Et les embryons congelés étaient souvent réduits, disons, à être pas jetés à la poubelle, mais pas loin. Là, maintenant, on revient quand même à un vrai taux de succès très, très significatif. À l'AMP, je le rappelle, l'aide médicale à la procréation. Une autre question, toujours par notre canal SMS 06 92 70 2000. Pas de prénom sur celui-ci. Si on a une endométriose, peut-on vous consulter quand même? Voilà la question qui est posée par cette auditrice. La réponse est évidemment, évidemment. Globalement, l'endométriose, c'est une sale maladie difficile. C'est quoi exactement, pour ceux qui ne connaissent pas? Pour faire assez simple, c'est de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre, qui pousse en un endroit où ce n'est pas sa place. Par exemple, à l'intérieur du ventre, sur les feuillets péritonéaux, dans l'ovaire, sur la trompe, et qui subit des transformations du cycle, c'est-à-dire que, il grossit, et puis il saigne, l'endomètre en question pas à sa place, et il saigne dans des endroits où ensuite ça entretient une espèce de lésion inflammatoire, une lésion ensuite fibreuse, et une lésion qui s'étend petit à petit. Mais il faut pas non plus en faire un truc d'épouvante. Pour nous, l'important dans l'endométriose, c'est de, en ce qui concerne le problème de l'infertilité, c'est d'essayer d'aider les couples à une alternative à d'autres prises en charge, en particulier médico-chirurgicales. Obtenir une grossesse, et si possible relativement vite, relativement tôt, sans traitement délabrant de l'endométriose, ça pourrait être, par exemple, une très très bonne voie. D'accord. Michel Saint. Oui, je voudrais faire, on parle d'endométriose comme d'autres pathologies. On a pas parlé d'une chose, je voudrais effectivement en parler aujourd'hui. C'est le don de sperme, parce que on voit souvent à peu près une quarantaine, cinquantaine de couples par an qui viennent nous voir avec l'homme qui n'a pas une azoospermie, donc il n'a pas de spermatozoïde, et ce couple-là est dans la détresse la plus totale, parce qu'ils ont vraiment besoin d'un donneur anonyme pour pouvoir assurer leur décès d'enfant. Aujourd'hui, on est dans la difficulté, et en fait, je ne vais pas faire un appel comme le don du sang peut sauver la vie. Nous, on est là juste pour faire un appel aux hommes réunionnais pour qu'ils viennent donner du sperme pour aider toutes ces couples-là qui sont dans la difficulté, le besoin et parfois dans le désespoir. Donc, il faut vraiment que les gens se mobilisent. Alors, ce don, il n'est pas rémunéré. Ce don, il est effectivement... C'est pareil que le don du sang, ça fonctionne sur le même principe, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup moins médiatisé. Et oui, parce que c'est moins médiatisé, mais j'ai l'occasion de pouvoir prendre la parole là-dessus et j'essaye de sensibiliser les gens parce qu'on voit trop de gens en désespoir parce que comme on a très peu de donneurs, il y a plein de gens qui attendent et alors, au bout d'un moment, leur chance se passe et après, ils se retrouvent dans... Comment ça s'explique ? C'est une question de tabou, tout simplement Ça s'explique, oui. C'est une question de tabou, Il y a une question de tabou, il y a une question forte d'identité, de propriété, entre guillemets, de semence, de propriété de son enfant, de difficulté à l'altruisme. C'est facile, entre guillemets, c'est pas si facile, mais quand même, ça peut être plus facile de donner du sang, parce qu'il s'agit de sauver une vie. C'est bien difficile de donner du sperme, parfois, pour ces questions d'identité, et puis parce qu'in fine, ils ont qu'à se débrouiller avec leur gosse qu'ils n'arrivent pas à avoir, quoi. Pour certains. Certains se replient un peu sur leur égoïsme, et pour nous, c'est vraiment dommage. Il faut savoir que ces donneurs seront considérés comme étant toujours anonymes. Ce ne sera que des numéros pour eux, et un gros espoir de grossesse pour les couples qui seront dans ce besoin. Ah, une autre question très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti, on va la poser quand même, parce qu'elle vient de tomber. Aux États-Unis, nous dit-on, il est possible de choisir par FIV le sexe de l'enfant. Pensez-vous que cette technique est au point médicalement ? Alors, cette technique est au point médicalement, oui, bien sûr. Il n'y a pas que aux États-Unis qu'on peut choisir le sexe de l'enfant. Dans plein de pays, on pourrait même le faire en France. Mais ce n'est pas légal. À partir du moment où on aurait l'autorisation. On a un cadre éthique qui est très, très, très encadré en France. Et c'est une bonne chose, je pense. Et ça nous permet d'être dans des choses qui nous calent sur la, voilà. Comment dirais-je, le pot. La grossesse va devenir un peu magique. Et c'est le garçon ou la fille qui va arriver d'une manière un peu... Travail dans les clous. Travail de centre et travail dans les clous. Voilà, oui, ce qu'il faut dire. Et puis je pense que c'est important effectivement de parler de l'éthique et surtout, je vais faire un focus là-dessus par rapport au lien qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, on est là effectivement pour aider des couples qui ont du mal à avoir un enfant et non pas, comme le disait Dr Vic tout à l'heure, c'est la cerise sur le gâteau. On n'est pas là pour venir aider un désir d'un fils ou un désir... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de répondre à une vraie problématique médicale. Une vraie problématique médicale et non pas des caprices comme on pourrait l'envisager. C'est pas un caprice, vouloir un enfant, c'est une réalité que beaucoup de familles rentrent dans cette difficulté et c'est une vraie réponse qu'on peut leur apporter, mais voilà, avec un espoir modéré à avoir, parce que effectivement, c'est pas toujours possible. Voilà, je rappelle juste qu'en 30 ans, c'est quand même déjà 4000 bébés qui sont nés grâce à ce centre. Et c'est déjà une très belle avancée. Et plusieurs générations. Ouais, évidemment. Et plusieurs générations de bébés. Merci à tous les trois d'être venus en parler avec passion. Et Aurélia Hubert de Lille. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice de communication du groupe Clinique Future et patiente vous-même du centre d'AMP du Port. Le docteur Jean-Claude Vic, gynécologue, et le biologiste Michel Saint. Merci encore à tous les trois et excellent après-midi. Merci à vous. Merci. Merci. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors, nous comptons sur bien autant paquets en poundiac en quantité pour le Pandathlon. Mais attendez, autres. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Bras-Panon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.régionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle ? Quelles actions peuvent y contribuer ? Quelles sont vos idées ? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. À

soul, honey. And I know you're my heart. And I wanna say it. Someday we'll be together. Yes, we will. Someday. Tell everybody we'll be now. Yes, we will. Yes, we will. A long time ago, my sweet. Sur Réunion Première, someday we'll be together. Le vent reste soutenu tandis que la houle s'amortit progressivement cet après-midi. Bulletin complet après le journal de France Info puisqu'il est 13h sur Réunion Première. Voici donc le journal de France Info. Excellente fin de matinée avec nous et pour l'info, Aurélien Tirard. Bonjour Aurélien. Bonjour Marie, bonjour à tous. Toujours pas de fumée blanche en provenance de la préfecture de Mayenne à Laval où se tient depuis tôt ce matin un troisième round de négociations entre éleveurs et Lactalis sur les prix du lait. Un seul mot d'ordre pour le gouvernement, le rassemblement. Les ministres ont tenu un meeting de rentrée hier près de Toulouse. Nous reviendrons sur la mort de Gene Wilder, l'acteur américain mort hier après une carrière consacrée à la comédie. À Marseille, l'arrivée d'un Américain à la tête de l'OM est bien accueillie. France Info. Cela fait maintenant 4 heures, Aurélien, que les éleveurs sont à la table des négociations avec Lactalis à la préfecture de Mayenne à Laval. Et oui, c'est la troisième réunion du genre. Il s'agit pour les producteurs laitiers de faire plier le géant du lait pour l'obliger à augmenter les prix d'achat du lait. En attendant l'issue de la rencontre, les éleveurs maintiennent la pression. Ils ont commencé hier soir le blocage d'une quinzaine de sites de Lactalis dans le pays. Anne Lamotte, vous vous trouvez devant la préfecture de Mayenne. Anne, vous avez des informations sur ce qui se passe à l'intérieur ? Non, on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans cette préfecture de Mayenne, sinon qu'autour de la table des négociations se trouvent 8 personnes, 3 du côté de Lactalis, 5 du côté des producteurs, et on reste très prudent, me confiait tout à l'heure Philippe Géant, c'est le président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ici en Mayenne. Il ne fait pas partie de ces négociations, mais mène la grogne dans le département. Philippe Géant, qui semblait plutôt confiant hier soir, et tout à l'heure, beaucoup moins, il parle de rumeurs, de jeux de dupes, de poker mental. Une chose est sûre, chez Lactalis, ce sont des requins, lâche-t-il. Lactalis, on le rappelle, qui paye 260